Oh, oh. Du monde ou quoi, oh. Du monde ou quoi, oh. T'en penses quoi? C'est quoi? C'est clair. Bordas. Bordas en mode René Bourguignon. Bordas décalqué à 2h du matin. Comme des lapins. Bordas n'a pas voulu convenir. Intimidé par l'extase, naïf, Bordas s'est laissé enivrer par la négresse, pauvre Bordas. Bordas en ce vendredi soir est triste et heureux à la fois, heureux d'être en vacances et triste de pas plus de bonheur aux gens, mais Bordas. Bordas, c'est comme ça. Bordas, c'est du bonheur, c'est de la joie, et Bordas, en même temps, c'est de la fatigue, comme bon roi des bourguignons. Bordas, ça me fracasse. Bordas, comme une carcasse. Bordas, c'est une fontaine d'eau, une fontaine qui jaillit depuis le sol, mais quand la pluie n'est pas venue, Bordas est une virue, un pauvre truc au-dessus de la peau qui rappelle à toi, pauvre boucle, de la vie au bout du compte, c'est quoi? C'est des cellules, c'est l'ADN, c'est des atomes, c'est des molécules qui s'entrechoquent. Cloc et cloc, Élise, et toi, toi là-bas, t'es pas comment, et toi là-bas, je suis un atome, et toi, une molécule plus une molécule, ça fait deux molécules, et un atome plus un atome, ça fait deux atomes, ou bien une molécule, au bout du compte, la vie est vaste. La vie, c'est le contraste. Moi, j'aime la vie. J'aime les molécules. J'aime Bordas, les chiffres et les pourcentages. J'aime la fin de soirée, l'humour et René Bourguignon. Moi, le vin, je bois, mais à midi. Là, c'est trop tard. Tu aimes l'amour, tu aimes l'humour, tu aimes Racine Carrée, rejoins Bordas, rejoins les livres, le pourcentage, les manuels, les SVT, la physique, la chimie, les mathématiques, l'histoire géographie. Bordas, c'est quoi? Bordas, Bordas, c'est la vie. Bordas t'embrasse, te fait des bisous, dans le cou, sur les oreilles, les nez, les orifices. Bordas, c'est ton fils. Bordas, il fait des bisous. Et Bordas, la vie, à 120 degrés de pouce.